Elle vous connaît et Françoise fait partie des missions que nous allons régler ce matin sur la radio RTL. Depuis 11 ans, notre société est dans l'heure. Du jour au lendemain, notre opérateur l'a domicilié à Bordeaux. Et comme nous n'avons pas reçu les factures, on n'a pas pu les régler. Et du coup, l'opérateur nous coupe régulièrement nos lignes professionnelles. Je suis impatient de parler à Françoise qui a une voix très lascive. Voyons ce qu'il en est avec Marie-Agnès. Je vous appelle des Alpes de Haute-Provence. J'ai réservé un voyage auprès d'une agence et comme le séjour a été annulé, faute de participants, l'agence me doit encore 1306 euros. Cette agence n'est pas inconnue de vos auditeurs. Effectivement, c'est une agence avec qui nous avons eu des soucis il y a quelque temps et qui pourrait en créer de nouveau. Nous allons voir, nous leur laisserons la possibilité de s'exprimer. Et puis un homme est là, bien installé dans son siècle, mais qui a des soucis et il nous les fait partager. Je vous appelle du Doubs. Le voisin de mon père n'entretient pas une partie de sa toiture. Résultat, à chaque intempérie, il pleut dans la cave de mon père. Malgré une expertise qui met en cause la responsabilité, il ne fait rien. Il pleut dans la cave de son père et comme c'est un bon fils, il va l'aider. Il a bien raison. Mesdames et messieurs, la Dream Team est là. Maître Novakovic, avocate au barreau de Paris spécialisée dans le droit de la famille est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Maître Felono la Divina. Bonjour Julien. Double négociation, Hervé Pouchol, Bernard Sabat. Bonjour Julien. Céline, tout va bien? Bonjour, oui ça va très bien et vous? C'est le 9h30, 11h, merci, très bien. Vous êtes sur radio? Très bien. Ça va très bien. La preuve, Françoise, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va très bien? Oui. Ah ben voilà, sur radio, très bien. Allez, Françoise, j'ai adoré votre voix. Si vous pouviez prendre la même, s'il vous plaît. Voilà, en parlant doucement, en laissant comme ça un petit peu la voix susurrée pour nous raconter ce problème avec une société de nettoyage industriel. Ne lui mettez pas de musique derrière parce que ça va gâcher. Quand on a une voix comme ça, on n'a pas besoin de rajouter de la musique. Allez-y. Non, le problème, c'est avec un opérateur téléphonique. C'est très court comme résumé. Voilà, oui. Ça ne me permet pas d'en savoir résumé, plus. Hein. Oui. En octobre-novembre, ils nous ont changé l'adresse de notre société sans raison. Et depuis, je me bats pour avoir les éléments comptables. Eh bien, nous allons faire en sorte que vous les ayez. Nous aidons un professionnel. Maître Novakovic, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus afin que nos auditeurs comprennent bien? Oui, effectivement, il y a l'opérateur qui devait lui fournir les factures d'octobre et novembre. Il ne lui a pas fourni la bonne adresse et du coup, elle n'a pas pu régler. Et à ce moment-là, on lui a coupé les lignes. Donc, elle est sans ligne téléphonique. Mais ce qui est fou, c'est que quand vous les appelez pour essayer de rectifier ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ça c'est... on appelle donc le service commercial qui nous dit qu'il ne peut rien faire, qu'il faut voir avec le service recouvrement. Et le service recouvrement, quand on l'a, ne peut rien faire, il faut voir avec le service commercial. Je sens que ça va me plaire, cette histoire. Je sens que ça va me plaire. Eh bien, c'est parti, nous les connaissons bien. Alors, ça résout quand même les problèmes, ça prend souvent un petit peu de temps, parce que c'est un mastodonte de la téléphonie, mais vous avez plutôt eu de bons résultats avec eux, Hervé. Écoutez, en général, Emmanuel, qui est notre contact chez cet opérateur, nous répond régulièrement, mais il leur faut un petit peu de temps. Mais on va les appeler, alors, c'est pas grave. Oui, je vous écoute. Il y a une chose aussi, c'est que au mois d'octobre, lorsque j'ai eu la première interruption de ligne, c'est là que je me suis rendu compte du problème. Sur la pression, j'ai payé directement par téléphone la facture d'octobre. Oui. Donc pour eux, elle est payée, mais c'est pas bon parce que moi, j'ai pas l'élément comptable qui va avec. D'accord. Donc ils ont trop perçu. Pour ma comptabilité. La marche, on va s'occuper de tout ça, c'est parti dans une seconde. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à faire claquer vos doigts? Car nous appelons le célèbre, le seul, le grand opérateur qui a couru, Orange. Qui a couru, Orange. Je suis Françoise. C'est de ça dont il va s'agir dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Je sens qu'on va arrêter avec cette histoire de qui a coupé Orange parce que je ne le maîtrise pas parfaitement bien. Ce que je maîtrise, c'est l'amour que j'ai pour vous et l'envie de vous aider avec toute l'équipe qui est là. Le 9h30, 11h à votre service. Appel dans une seconde. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme. Bienvenue chez votre distributeur Skoda, Monsieur Thomas. Et le Skoda Kodiaq, vous allez pas me dire qu'il a aussi la garantie? Monsieur Guyet, la garantie 5 ans est offerte sur tout. À l'occasion des jours Nouveau Départ ce week-end, venez profiter de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Oui, toute la gamme. Offre à particulier jusqu'au 19 juin 2018. Conditions sur skoda.fr. Question Jules 115. Qu'est-ce qui rend la démarche d'un homme élégante? Réponse. Pour l'homme d'aujourd'hui, l'élégance est une démarche en soi. Même quand il est assis dans le canapé, les pieds sur la table. Venez découvrir votre type d'élégance chez Jules. Et en ce moment, 50% sur le deuxième article pour l'achat simultané de deux chemises, polo ou t-shirt. Remise déduite sur le moins cher des deux, hors premier prix. Voir conditions en magasin et sur jules.com. Ça va être la fête chez Carrefour Market. Ça y est, j'ai une planche à flambant neuve à la maison. Oh, j'ai hâte de faire des petites grillades. Ah, c'est super, Michel. Et en ce moment, Carrefour Market fête ses clients. Nos bouchers ont quelque chose à vous proposer. Ah oui, mais votre viande est tellement délicieuse. Bah oui, jusqu'à demain, la deuxième cassette de côte de porc avec os à griller, origine France, est gratuite. Oh, des petites côtes de porc croustillantes et tendres, grillées juste comme il faut, c'est parfait. Mais oui. Et j'ai juste le temps de prévenir mes copains. Carrefour Market. La cassette de 8 pièces minimum, valable sur la moins chère des deux. Magasin participant sur carrefour.fr. Et si on parlait de la French Touch Renault? Prenez place à bord de Twingo. Pratique avec ses portes arrière, facile en ville avec son rayon de braquage record et fluide avec sa boîte automatique à double embrayage. Testez-la aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Twingo Limited dans LLD est à partir de 99€ par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. Pour Twingo Limited SE 70 sur 49 mois avec un premier loyer de 1 500€ jusqu'au 30 juin si accordiaque. Voir Renault.fr. French Touch touche française. Une fille comme elle, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Chloé est une actrice formidable, mais on ne la voit jamais. Sanji est à la tête d'une immense start-up en Inde, mais à New York, il se fait passer pour un garçon d'ascenseur. En apparence, tout les éloigne. Et pourtant, une fille comme elle, peut-elle aimer un garçon comme lui? Embarquée dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises où personne n'est celui qu'il a l'air d'être. Une fille comme elle, le grand retour de Marc Lévy à la comédie, le roman de votre été. Un livre aux éditions Robert Laffont Versilio, déjà en tête des listes des meilleures ventes. Vous voyez le type qui rigole avec des gens là, sur l'aire d'autoroute? C'est Vincent. Il est comme ça, Vincent, il aime les gens. Alors quand il a vu que Vinci Autoroute encourageait le covoiturage avec Blablacar, il a pris l'abonnement télépéage, temps libre, covoiturage, Vinci Autoroute. Depuis, il ne voyage plus jamais seul, Vincent. Et non seulement il passe du bon temps sur la route, mais en plus, son abonnement télépéage ne lui coûte rien quand il covoiture avec Blablacar. Il a tout compris, Vincent. Il réduit les frais et il multiplie les amis. Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition. Disponible sur vinciautoroute.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et en ce mois de juin, nous aidons Françoise. Oui, Françoise, elle est assistante de direction dans une société. Cette société, elle est dans l'Eure et son opérateur l'a domiciliée à Bordeaux. Alors, c'est pas très pratique pour les factures. Effectivement. Vous êtes de quel côté d'ailleurs dans l'Eure, Françoise? Du côté d'Évreux. C'est pas vrai, mais on est voisins. Bah, oui, j'ai cru comprendre. Bah, oui, mais j'ai cru comprendre, mais j'aimerais bien que vous passiez à la maison de temps en temps, boire un petit café. Enfin, je veux dire, si on ne s'entraide pas entre voisins et qu'on ne se rencontre pas, ça ne peut pas avancer. Est-ce qu'on peut appeler Orange, s'il vous plaît? Oui, Céline, on peut, c'est possible. C'est gentil de le faire, merci. Bonjour. Ah oui, c'est bienvenue bon. Chez Orange Business Service. Cet appel vous sera facturé 12,5 centimes d'euros hors taxe la minute. Je sens qu'on va être obligé, Hervé, de donner le cas à Bernard, qui est spécialiste du business. Moi, j'ai 50% sur les abonnements. Merci. Je vous rappelle la devise de Bernard Sabat. Les affaires, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va. Alors, vous allez récupérer ça comme nous le faisons habituellement. Vous allez me trouver un bel interlocuteur avec qui nous allons pouvoir avancer sur le cas de Françoise. Et nous allons, Charlotte, si vous le voulez bien, attaquer le cas numéro 2 dans une seconde. Marie-Agnès, elle voulait faire un trek au Liban. Alors, elle a contacté un voyagiste, elle a payé 2 000€. Malheureusement, le voyage a été annulé faute de participants. Elle a été remboursée de 700, mais il reste encore 1 300€ à rembourser. Est-ce que je m'avance, Bernard Sabat, en disant que vous allez pousser un coup de gueule? Un gros, Julien. Excusez-moi d'être vulgaire, non, mais là, non. C'est un gros, gros coup de gueule. C'est une honte, une honte, et c'est un récidiviste, je n'en dis pas plus. Voilà. Et au moment où vous avez dit un gros coup de gueule, on a vu passer la boulette que vous avez mangée hier soir. Oh non ! Et qui est enfin ressortie dans une seconde. Il va nous en dire plus. Il s'est fait un couscous comme il le fait régulièrement. Oui. Et il a raison, c'est le meilleur plat du monde. Écoutons maintenant Slimane. Viens, on s'aime sur RTL. Ils pourront tout nous enlever. Ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens, on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. du ciel, dire que notre histoire n'est pas belle. Prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Bien, on s'aime. Attaquons donc ce cas voyage, puisque j'accueille maintenant Marie-Agnès sur l'antenne d'RTL. À n'importe quel moment, je le redis, hein, vous aurez une alerte sur le premier cas de Françoise. Marie-Agnès, bonjour. Bonjour Julien. Une passionnée de randonnée. Est-ce que vous marchez avec des bâtons de ski, comme je vois souvent les gens faire ? Non, que mes jambes. Que vos jambes ? Eh bien écoutez, tant mieux si elles suffisent. Racontez-nous cette histoire. Alors donc, voilà, je me suis inscrite à un voyage dans une agence et j'ai payé en deux fois la compte et puis j'ai soldé le voyage un petit peu après. Et puis, j'ai eu des doutes au moment où j'ai souscrit, parce que j'ai souscrit à une assistance rapatriement qui était proposée par l'agence. Et 15 jours avant le départ, pas de nouvelles de ce justificatif d'assistance rapatriement. Donc, j'ai appelé l'agence à plusieurs reprises, qui m'a donné les coordonnées des assureurs qu'il fallait que je joigne moi-même. Et puis, en fait, les deux assureurs qui m'ont été donnés n'avaient aucun contrat avec cette agence de voyage. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, vous avez préféré annuler parce que c'était quand non. même... Si c'est moi qui annulais, je perdais tout. Non, c'est parce que pour annuler, il faut des circonstances... Ah, mais je pensais que ça faisait partie du contrat global et que vous leur avez dit, attendez, je ne me permets pas de partir faire un trek au Liban sans avoir une assistance rapatriement. Attendez, je suis obligé de vous laisser, Marie-Agnès. Oui. Vite à Guingamp, car nous revenons sur le cas numéro 1, celui de Françoise. Françoise est assistante de direction dans une société qui se trouve dans l'Eure, mais l'opérateur téléphonique l'a domiciliée à Bordeaux, alors elle ne reçoit pas les factures. Nous sommes avec l'opérateur Orange. Bonjour Orange. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. J'essaie de vous expliquer un cas, si vous pouvez me passer un interlocuteur. Alors je vais vous dire, grâce à Maître Noakovic, que vous connaissez peut-être, elle vous résume en deux mots le but de notre appel. Oui, bonjour monsieur. Alors nous avons une auditrice qui a un souci, car malheureusement elle a dû se voir couper les téléphones parce qu'elle n'avait pas les factures, et les factures étaient adressées à une mauvaise adresse. Et elle a réclamé ensuite ces fameuses factures pour vous régler, mais malheureusement, elle n'arrive toujours pas à les avoir. Donc, le téléphone est toujours coupé. Alors, est-ce que vous pouvez nous passer un interlocuteur, s'il vous plaît, monsieur, suite à cette petite erreur ? D'accord, une petite seconde, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, donc vous récupérez l'appel Céline, tant que ce monsieur nous trouve quelqu'un. Donc, on revient sur le cas de notre amie Marie-Agnès. Donc, Marie-Agnès, vous n'avez pas pu annuler ce voyage. Maître Fellonneau ? Le voyage a bien été annulé, mais par l'agence, Julien, le motif suivant, d'ailleurs très très très peu de temps avant le départ, au motif qu'ils avaient eu des désistements de dernière instance, que donc le groupe n'était plus suffisant. Ah, mais c'était déjà le cas. Mais oui, c'est le même argument qu'on nous avait servi la dernière fois. Donc, alors là, le coup de gueule de Bernard Sabat, parce que ça fait deux fois que cette agence, en tout cas sur RTL, on ne dit pas qu'elle est coutumière du mais nous, c'est le deuxième cas. Voici le coup de gueule de Bernard Sabat. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Donc on est bien d'accord, Bernard Sabat, que c'était le cas il y a très longtemps, quand un auditeur nous avait dit, comme ils n'avaient pas assez de monde pour le voyage, ils ont dit on l'annule et ils ne me remboursent pas. Exactement, c'était il y a un an, on m'avait envoyé en scooter, Julien, dans cette agence. Ce gérant, Thierry. Vous l'aviez garé devant, vous n'étiez pas rentré dedans. Non, quand même, un peu de respect. Attention. Et j'avais été conduit par ce monsieur en me disant je gère mon agence comme je le veux. On avait appelé évidemment la garantie financière de la profession du tourisme, la PST, qui l'avait convoqué. et qu'il avait radié Julien. Donc il a permis de ne plus travailler sous cette caution professionnelle et donc il en a pris une autre. Il exerce, mais il utilise toujours la même méthode. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. C'est de prendre des acomptes, d'annuler. Non mais, et de faire des délais de paiement auprès de... Je vais me tourner une seconde, si vous me le permettez, Maître Fellono, vers Maître Novakovic, l'avocat de pénaliste. Mais si, il... voilà, on s'apercevait, je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais si, on le faisait souvent, est-ce que ça peut être une, du pénal, cette histoire? Alors, pour qu'il y ait une infraction pénale, pour qu'il y ait délit, il faut un élément intentionnel. Là, on voit qu'il y a une réitération des faits, donc on pourrait effectivement considérer qu'il s'agirait d'un abus de confiance. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir s'il y a eu ou pas intention de commettre de tels faits. Maître Fellono, c'est votre cas, vous voulez immédiatement reprendre la main, et c'est normal, pour nous dire... Je rappelle que, effectivement, ce monsieur, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, puisque les deux dossiers ont plus d'un an d'écart, mais ce qui m'ennuie, moi, c'était la façon dont ça s'est passé la première fois. C'est que pour avoir ce remboursement pur et simple, tout bête, il a exigé d'avoir des avocats, des protocoles d'accord, et qu'on a perdu des mois et des mois avant d'avoir finalement ce qui était légitimement dû à son client. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est le remboursement du solde de 1306 €. Je vous rappelle que cette agence, que nous allons appeler dans une seconde, organise des voyages. Vous prenez le voyage et un jour on vous dit « nous n'avons pas assez de personnes pour faire le voyage ». Eh bien, remboursez-moi. Nous allons le faire, mais quand ? Dieu seul le sait. Vous attendez depuis combien de temps, Marie-Agnès ? Ça fait depuis le 13 avril, le voyage est annulé. Allez, un dernier mot de Bernard Sabat. Pourquoi je suis en colère, Julien ? Parce que logiquement, lorsqu'on fait un groupe comme cela et qu'on veut annuler, on doit avertir le voyageur un mois avant le départ. Ouais. Et là, elle était avertie 20, 8 jours 20, avant. Ce n'est pas 8 bien. Jours ouais, 8 jours avant, c'est n'importe c'est quoi. C'est un scandale. Vous vous Julien. Organisez, vous calez vos vacances. Limite, enfin, c'est dingue. Oui, mais ça. Qu'il soit annulé, je le comprends bien. Mais bon, non, non, pas une semaine avant. Ce n'est pas légal, non, Julien. C'est pas légal. Et puis, Marie-Agnès, c'est pas professionnel. Professionnel, non, non, tout à fait. Ça ne vous laisse aucune chance pour vous retourner. Quand on a peu de vacances et qu'on a envie de bien les organiser, 8 jours avant, on est dans la panade. Eh bien, nous allons les appeler dans une seconde. Opération Marie-Agnès, et je rappelle que la première fois qu'on a appelé ces gens-là, on a été assez mal reçus. J'espère que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, que ça va mieux se passer. Vous allez le savoir dans une seconde. En restant sur RTL, en partant, vous le regretterez peut-être toute votre vie. Intensément les matchs des Bleus. Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique. Pareil. Frigo dans les accoudoirs. Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 36,99 €. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17 € par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4 000 €. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Avec Auchan, les bons plans s'invitent chez vous. Qui veut une idée cadeau qui décape pour la fête des pères ? Jusqu'à demain dans votre hypermarché Auchan et sur Auchan.fr, le nettoyeur haute pression BXPW Black & Decker est à 49,90 € seulement. Une belle idée cadeau à moins de 50 € sans se mettre la pression. Avec Auchan, c'est toujours la saison des bons plans. Débit 390 litres par heure, pression 100 bars, puissance 1300 watts, dont 2,50 € d'éco-participation. Christopher, toujours en tête de la course depuis 30 km, il maintient une cadence confortable loin devant le peloton. Mais que fait-il ? Il sort de sa trajectoire pour s'arrêter dans un centre Best Drive ? En ce moment, chez Best Drive, recevez jusqu'à 100 € pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. À la ménopause, je suis prête à tout pour combattre les gonflements inconfortables. Avec Ménophytea Rétention d'eau, j'ai vu le résultat. La formule experte de Ménophytea contient des actifs végétaux tels que le frêne et l'hibiscus qui améliorent les fonctions d'élimination de l'eau de l'organisme. Essayez, vous comprendrez. À la ménopause, Ménophytea s'impose. Ménophytea est un complément alimentaire disponible en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec des offres exceptionnelles sur plein de produits. Par exemple, la pastèque est à seulement 89 centimes le kilo. C'est parfait. Mais oui, sa chair est tellement juteuse, rafraîchissante, si désaltérante et riche en vitamines en plus. Résultat des courses, c'est mon atout forme pour tout l'été. C'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour. En ce moment, la pastèque est à seulement 89 centimes le kilo. Carrefour. Origine Maroc et ou Tunisie selon approvisionnement, valable jusqu'au 17 juin. Détails produits sur carrefour.fr. Alors il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon. Ok. Pour la fin de la semaine. Ça ira ? Vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois. Loyer après apport de 1450 euros, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford Lease, Bréman Lease, voir Ford.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le 9h30, 11h sur RTL avec Céline, Charlotte, une histoire de voyage. Agnès, elle voulait faire un voyage au Liban, elle voulait faire un trek, elle a réservé un voyage, elle a payé 2000 euros et le séjour a été annulé 8 jours avant la date de départ et il n'a toujours pas été remboursé. C'est parti, nous appelons maintenant cette agence que nous connaissons bien, nous les avons appelés pour les mêmes faits il y a quelques temps. Depuis, il faut le dire quand même, le problème a été résolu, je vous en dirai plus dans quelques instants. Là, c'est le Sarfac. Alors, ça arrive souvent. Donc, pendant que vous cherchez un deuxième numéro, c'était Claude. Claude, un autre auditeur qui, lui aussi, avait connu cette problématique avec le voyagiste. Et il avait réservé un séjour à Cuba, où il voulait, avec son épouse, manger de la langouste. Il avait payé 5 908 euros et le voyage avait été annulé, faute de participants. Finalement, après pas mal de difficultés, des duplex. C'est le cas que nous avons géré, exactement. Des coups de fil, un protocole d'accord avait été signé. Il a pu les récupérer. Deuxième appel maintenant chez cette agence de voyage qui s'appelle Zig Zag Randonnée. Si vous allez tout droit, ça serait plus simple. Hein, oui, mais c'est le principe de la randonnée, c'est-à-dire numéro que sur le même trajet, 42, 4. On en a pour plus pour son argent puisqu'on va de droite à gauche, donc on marche plus. C'est-à-dire que c'est une randonnée d'une quarantaine de kilomètres. Alors, avec une agence classique, vous faites 40 kilomètres, mais avec Zizia Grandonnée, vous pouvez en faire jusqu'à 70. Ah bah puisque, oui, mais on amortit. Puisque celui qui vous guide vous dit, allez, viens, on va à droite. Allez, maintenant, on va à gauche, etc. Donc, ça prend plus de temps. C'est bien joué. Non, mais c'est vrai. C'est le principe. Zigzag Voyage, c'est d'abord un téléphone qui se transforme en fax. Et là, c'est un deuxième numéro qui ne répond toujours pas. Et là, un troisième numéro. On va y arriver, peut-être. Bah, allez, on y va pour un troisième numéro. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de l'agence Zigzag. Oui. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Écoutez, on est dans les horaires pourtant. Disons qu'ils sont en train de parler à quelqu'un d'autre. Vous avez un troisième numéro, Céline, c'est le moment de le faire. Et bah, le problème, c'est qu'on a déjà tout fait. On a déjà tout fait, qu'est-ce que ça passe vite. Alors, Marie-Agnès, vous restez de côté. Je vais tout faire pour les avoir. Nous avions eu déjà beaucoup de problèmes. On avait dû d'ailleurs aller en duplex. Bernard Sabat. Un dernier point, Julien. Je vous rappelle que la loi dans le tourisme est très claire. Si vous annulez un voyage, en l'occurrence 8 jours avant, vous devez payer à votre client les mêmes pénalités que si vous aviez annulé, Julien. Ouais. Ça veut dire que logiquement, on devrait rembourser au client 75% du montant en plus du remboursement. Donc, vous Merci. Voyez quand même que c'est important. Les fameuses pénalités dont vous venez de nous parler, mais je ne les connaissais pas personnellement. Donc Marie-Agnès, il y aura peut-être des pénalités, on verra. Laissez-nous juste essayer de comprendre de quoi il s'agit, Marie-Agnès, et après on essaiera de vous avoir. Maître Felonneau, vous avez déjà eu des pénalités dans votre carrière ? Ah, charge, bon, comme on dit aussi. Bien. Oui, mais Marie-Agnès, elle a de la chance parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de reflux gastrique. Parce que la dernière fois, il nous a lancé un. Et mon cher Julien, sachez que c'est Serge. Et on a cru que le repas d'hier allait souiller le studio RTL, mais il l'a retenu à la dernière minute. Marie-Agnès, on s'occupe de vous, rassurez-vous. Je vais vous aider, Marie-Agnès, c'est promis. Oui, et des pélanités. N'oubliez pas, si vous jouez au Scrabble, vous pourrez épater vos amis en remplaçant le mot pélanité. De quoi parle-t-on, Charlotte, dans quelques instants? On parlera de Christophe qui nous appelle pour son père. Il vit à côté d'un voisin qui n'entretient pas sa toiture. Donc le résultat, c'est que cette toiture juste au-dessus de la cave du père de Christophe inonde les jours de pluie sa cave. Ça devient une véritable piscine. Eh bien écoutez, c'est le résumé le plus plus long de l'histoire de la radio que vous avez fait. C'est même plus long que l'histoire elle-même, c'est fabuleux. C'est mais Christophe va nous confirmer si c'est vrai ou pas. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que Charlotte a dit tout ce qu'il fallait dire? Eh ben, elle a tout bien résumé. Bon, votre papa, il a 88 ans. Exactement, tout à fait, oui. Le voisin, il n'entretient pas la toiture. La toiture, elle donne sur la cave de votre papa. Exactement. Et est-ce que vous avez la preuve formelle que c'est dû au mauvais entretien de la toiture? Ah oui, c'est sûr, c'est bon, sûr. D'accord. Non, il n'y a pas de photo. Maître Nankovic. Ben justement, nous avons un rapport d'expertise parce que son assurance, en fait, a désigné un expert. Et d'après l'expert, eh bien, c'est vraiment de la responsabilité du voisin qui doit faire intervenir un artisan pour faire réparer la toiture. Alors, ce voisin, quand vous l'appelez, dit quoi? Alors, de hier soir, quand je suis rentré tard, mon père m'a dit qu'il était passé voir la toiture avec un artisan. Oui. Lui n'avait pas de tuiles, donc c'est difficile de réparer une toiture sans tuiles. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est allé voir l'artisan et il lui a dit, ben oui, mais c'est tout pourri, donc comment voulez-vous couper par ça? Voilà, donc on en est là. Vous ne savez pas quel est l'artisan qui est venu? Ah, je suis désolé, non. Non, mais c'est pas grave. Allez, on va avancer, on va lancer les appels de toute façon. Il y a eu une expertise, à partir du moment où il y a une expertise, on peut, mais très rapidement, Maître Nankovic, on peut se dire que c'est à eux maintenant de gérer le dossier. Absolument, et d'ailleurs l'assurance a adressé une lettre recommandée donc au voisin pour le mettre en demeure de procéder aux réparations nécessaires. Alors, on va essayer de traiter comme on le faisait à la grande époque, cette histoire de voisin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était sur TF1, un jour, on fait une émission sur les voisins, et on est en train d'interviewer, c'était Hervé Pouchol, qui interviewait un des deux voisins. Alors, on lui disait, ouais, mon voisin, il m'ennuie, etc. Et l'autre voisin en question n'était pas là. Par contre, il y avait la mère du voisin, qui était une vieille dame, qui devait avoir 88, 90 ans, et qui était à la fenêtre, et qui surveillait la scène. Donc, le voisin continue son interview, et puis, tout d'un coup, la vieille dame doit faire éructer quelque chose, du style, t'es pas vrai. Et lui, en pleine phrase, le voisin fait, et donc, je... Ah, ta gueule, la vieille! Et donc, voilà. Tel quel. Alors, je vous dis, c'était assez c'est violent, vous rappelez? Elle avait, la pauvre, elle avait juste ouvert la bouche. Et ben voilà, à tout de suite sur RTL. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200€ offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180€ supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100€, engagement 24 mois et conservation de numéro. Mercedes-Benz. Alors, tu le veux où ce tatouage? Sur l'épaule. Pas de problème, Cécile, dans un cœur sur l'épaule. C'est qui cette Cécile? Ma copine. Ça fait combien de temps, vous deux? On s'est rencontrés hier soir en boîte. Ok. L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, l'allocation longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez toutes nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisation pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Intersport. Chloé, t'as vu mon nouveau short Oxbow pour cet été? Waouh, il te manque plus que la planche pour être mon beau surfeur. Hey. Et les cheveux longs aussi. Et faudrait que t'ailles un peu à la salle. Bon, si le short te plaît, tant mieux. Vous allez adorer l'été chez Intersport. En ce moment, le short de bain homme Oxbow Sermitou est à 19,99€ au lieu de 39,99€. Soit 50% de réduction. Oui, moins 50%. On nage dans le bonheur. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Philorga, la crème anti-âge concentré comme une maison injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur philorga.com. Allô, patron ? Parle plus bas, alors. Sur Little Voyage, pour 8 jours 7 nuits, il y a soit un séjour en hôtel 4 étoiles en Sicile, soit un circuit en Italie. Votre femme sera ravie. Je pars seul, mais pas un mot, hein. Omerta totale, hein, compris ? Ah si, ah, mais je suis mal. LidlVoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour 8 jours 7 nuits, tout inclus en hôtel 4 étoiles à partir de 599 € par personne. Circuit 8 jours 7 nuits en pension complète selon programme à partir de 1049 € par personne. Offre valable du 12 au 18 juin sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr. Merci d'avoir choisi l'émission numéro 1 entre 9h30 et 11h. Vous écoutez RTL, la seule radio qui aide ses auditeurs. Main dans la main, ensemble, on avance. What's the sense in sharing this one and only life? Ace, 10h. Les infos sur RTL, c'est avec Anne Lehena. Bonjour Anne. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'hommage à Johnny, le rocker aurait eu 75 ans aujourd'hui. Ses fans sont rassemblés depuis ce matin en église parisienne de la Madeleine, là où ses obsèques ont été célébrées il y a 6 mois. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. L'hommage à Johnny Hallyday débute dans une heure. Oui, l'excitation commence à monter sur le parvis de la Madeleine. Les fans trépignent, les organisateurs jouent les chauffeurs de salle, lancent des joyeux anniversaires. Ils ont tendu un portrait géant de Johnny entre les colonnes de l'église. Les fans envoient des baisers en direction de la photo du rocker. France, par exemple, cache déjà ses yeux rougis derrière d'immenses lunettes noires. Là, moi, l'émotion me submerge depuis que je sais que je viens là, depuis hier, depuis que j'ai eu mes places pour rentrer. Là, je sens que ça monte, ça monte, ça monte, et puis je sais que tout à l'heure, je pleurerai, je chanterai, je dirai que je l'aime parce qu'il est toujours là. Voilà, à chaque concert, on se demandait ça, par où il va arriver. C'est vrai qu'on y pense. Et s'il arrivait d'un côté ou de l'autre, et là, on n'y croit pas, mais bon, ça traverse l'esprit. Alors l'hommage va débuter à 11h par un concert avec des chansons, des créations originales en l'hommage du rocker. Puis à 12h30 commence la messe qui, elle aussi, sera ponctuée de clins d'œil musicaux à Johnny. Marie Mollet en direct de l'église parisienne de la Madeleine pour cet hommage à Johnny Hallyday. La réforme de la SNCF est votée, mais la CGT continue le combat. Laurent Brun, le secrétaire national du syndicat, annonce que la CGT cheminot va poursuivre la grève en juillet. La grève était supposée se terminer le 28 juin prochain. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, entame cet après-midi les négociations sur la future convention collective. Le déjeuner de la paix entre Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre italien, Giuseppe Conte, est attendu à 13h à l'Élysée, dans un contexte tendu à propos de la crise des migrants. L'Italie a refusé cette semaine d'accueillir l'Aquarius. Emmanuel Macron a parlé de cynisme. L'Aquarius, c'est un bateau avec 600 migrants à bord qui fait désormais route vers le port de Valence, en Espagne. La Coupe du monde de foot en Russie avec l'entrée en lice des grandes nations aujourd'hui, au lendemain du match d'ouverture qui a vu la Russie dominer l'Arabie Saoudite 5-0. À 14h, heure française, l'Égypte affronte l'Uruguay. À 17h, le Maroc joue face à l'Iran. Et le choc du jour, ce sera à 20h, heure de Paris. Portugal, Espagne, les champions d'Europe en titre contre les champions du monde 2010. Tous ces matchs sont à suivre, bien sûr, très régulièrement sur RTL. Le temps, une perturbation impose un ciel gris sur une bonne partie du pays. Le soleil régnera de la Bretagne jusqu'aux frontières belges. Le ciel sera voilé des Alpes à la Méditerranée. Les températures s'échelonnent entre 15 et 20 degrés sur les côtes de la Manche et d'Atlantique. 20 à 25 du sud-ouest au nord-est, jusqu'à 24 voire 30 degrés le long de la Méditerranée. Et puis je vous rappelle que 7 départements sont encore en vigilance orange crue. L'Ille-et-Vilaine, le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loire pour le nord-ouest et 4 départements au sud-ouest, les Landes, le Gers et le Tarn-et-Garonne. 3 départements seulement sur le sud-ouest. Les courses, quintet du jour à Vincennes, les pronostics de Claude Pierre-Santi, 12, As, 13, 10, 8, 2, 5 et 14. Dernière minute, le 10 qui s'appelle Tripolini Vipi. 10h, presque 4 minutes sur RTL. Et ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Merci beaucoup. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Voici le point info depuis 9h30. Nous nous battons pour les auditeurs d'RTL. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Et tout a commencé avec Françoise. Ces lignes ont été coupées. Elles sont coupées régulièrement parce que les factures sont envoyées à la mauvaise adresse. Et donc nous essayons d'avoir Orange. Nous avons eu tout à l'heure un conseiller. Est-ce que ça bouge, Hervé Pouchol ? Alors, j'ai un superviseur là qui a repris le dossier. On est en pleine discussion tous les trois avec Françoise. Dès que j'ai du nouveau, on revient vers vous. Nickel. Françoise attend, elle sait qu'on est sur le coup. Le deuxième cas a été lancé, Charlotte. C'est Marie-Agnès, elle a réservé un voyage au Liban, elle a payé, le voyage a été annulé mais pas remboursé. Et donc Zigzag Randonnée, nous avons essayé de les appeler, sachant que nous avons eu déjà un cas avec eux similaire, un auditeur, c'était Claude qui avait commandé un voyage, il l'avait payé, puis on lui a dit un jour, le voyage est annulé, on ne l'a pas remboursé. Bernard, toujours rien ? Non, ce sont des lignes fixes, malheureusement, ils ne répondent pas et on ne peut même pas laisser de message pour l'instant. Bah, ça sent un duplex pour vous dans les jours qui viennent. Ah, mais oui, nous Julien. Continuons, nous ne lâchons rien, il faut que Claude nous laisse un petit peu de temps, d'autant plus que... Est-ce que vous savez maintenant, Bernard, apparemment, donc il a été radié d'une première caisse de garantie, il en a pris une deuxième ? Oui, il a pris une assurance qui s'appelle le Groupama, c'est un groupe important qui l'assure. Ah bah on va appeler Groupama. Donc on peut voir ce qu'il en est. Groupama, toujours là pour toi. Eh bien, nous les appelons dans quelques instants. Enfin, un troisième cas, Charlotte, a été lancé. Celui de Christophe, la toiture du voisin de son père donne sur sa cave et elle n'est pas entretenue. Résultat, il pleut dans la cave. Bon, Christophe, nous allons appeler un, le voisin, deux, l'assurance. Ça fait beaucoup de boulot, mais c'est normal. Je vais être content. Ah, qu'est-ce qui se passe, Maître Nokovic ? C'est Groupama. C'est Groupama aussi ? Oui. On va quand même pas appeler pour deux cas. On n'a jamais fait ça. Bon, justement, c'est pratique. Imaginez. Bonjour, Julien Courbet, l'appareil. Je vous appelle pour le cas de Simone et sa toiture, le cas de François et sa voiture, le cas de Patrick et son voyage, le cas de Morissette et son mari, le cas de François et ses enfants. Non, mais le type va nous dire c'est une blague. On va quand même appeler dans une seconde. Mais tant mieux après tout. Mais c'est pratique. On va en faire, hein. Et à la fin, on va lui dire dites, tant que je vous tiens, comme on fait dans ces cas-là, pourriez-vous me passer à notre service ? La vie est belle, la vie est RTL. Allez, à tout de suite. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia. Oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Belle matinée sur RTL. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation des numéros. Allô, bonjour, je cherche une grande berline avec un grand coffre. Bonjour monsieur, je vous propose Fiat Tipo à 9 990 euros. Elle a la clim ? Oui, 9 990 euros avec la clim. Et elle est garantie ? Oui, garantie 3 ans et toujours 9 990 euros. Mais elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve monsieur. Ok, j'arrive. Fiat Tipo est à partir de 9 990 euros bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin. Sur Tipo Berlin, 1 litre 4, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Sœur, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Femme actuelle, un thriller qui nous tient en haleine de bout en bout, palpitant, flamboyant. L'Express, toujours aussi efficace. Sœur de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Ça va être la fête chez Carrefour Market. Dites, j'ai un petit dîner entre copines. Je me disais que vous sauriez me donner un peu d'inspiration. C'est fort possible, Michel. Alors, on mange quoi de bon ? Eh bien, jusqu'à demain, Carrefour Market fête ses clients. Regardez-moi ces belles noix de Saint-Jacques toutes fraîches à 2,69€ les 100 grammes. Des noix de Saint-Jacques, mais y a pas plus délicat. Ça vous inspire ? Ah oui, juste snacker à la poêle ou dans un petit risotto. Oh, marinara carpaccio ou en tartare, ça c'est sublime. Carrefour Market. Soit 26,90€ le kilo. Pêché en Atlantique Nord, Pectem Maximus. Magasin participant sur carrefour.fr. Alors il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon. Ok. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99€ par mois. Loyer après apport de 1 450€, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km, avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford, Lease, Bremen et Lease, voir Ford.fr. Monoprix, tu sais que t'es une pro de la beauté quand t'arrives à te faire une crème anti-ride en utilisant juste les plantes sur ton balcon, tu vois, du basilic, du persil, enfin c'est simple en fait. Et tu sais que t'es vraiment une pro de la beauté quand t'arrives à reconstituer tout le rayon beauté de Monoprix vu tout ce qu'il y a dans tes salles de bain. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup des choses dans ma salle de bain. C'est la Beauty Week chez Monoprix. Profitez de 30% de réduction sur tout le maquillage des 20€ d'achat avec la carte jusqu'au 19 juin. Monoprix Beauty Week, semaine de la beauté. Remise immédiate, conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors faisons dans l'ordre. Sur Orange, personne n'a appelé pour l'instant puisque Hervé Pouchol est sur le coup. Par contre, pour Marie-Agnès, on pourrait effectivement appeler, comme l'a dit Bernard, cette fameuse caisse qui les garantit. Marie-Agnès, c'est le cas du voyage. Oui, Marie-Agnès a réservé un voyage au Liban. Elle a payé 2000 euros. Le voyage a été annulé 8 jours avant le départ et elle n'a pas été remboursée du solde. C'est bien dommage parce que le Liban est une merveille à visiter. J'en entends parler depuis très très longtemps. Il paraît que c'est magnifique. Marie-Agnès, nous appelons donc. Alors, par contre, là, on n'a pas vraiment de numéro. Alors, ce que je vous propose, c'est que hors antenne, à moins que vous ayez un numéro. Alors, si, moi j'ai le numéro de la licence et le numéro du contrat chez Groupama. On a tout, Julien. Alors, toujours vous allez, tout. S'il vous plaît, Céline, demandez à quelqu'un. Peut-être que JB peut faire ça pour nous. Alors, d'ailleurs, réveillez-le doucement parce que le pauvre, là, il est en plein sommeil. Et JB, est-ce que vous auriez l'amabilité d'appeler donc cette fameuse mutuelle qui garantit vous donner le numéro et puis dès que vous avez quelqu'un, vous me le passez. Je vais passer à la toiture. Attention. Nous allons appeler le voisin pour Christophe. Oui, la toiture du voisin de son père donne sur sa cave et comme elle n'est pas entretenue, il pleut dans la cave, ça devient une véritable piscine. On commence par le voisin, si vous le voulez bien. C'est parti. Nous appelons le monsieur en question, qui est dans le 54. C'est parti. Vous êtes sur la messagerie Orange. Ça ne répond pas chez le voisin, donc nous allons nous tourner vers l'assurance, Maître Novakovic. Est-ce qu'on peut se permettre de dire à l'assurance, vous avez envoyé une expertise, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas ? Simplement lui demander, tout simplement, est-ce qu'ils ont reçu une réponse de la part du voisin, suite à leur mise en demeure ? Ah oui, non, mais là, c'est l'assurance de Christophe, c'est ça ? Je croyais que c'était l'assurance du voisin, moi. Non, mais c'est l'assurance de Christophe. Ok. Eh bien oui, on peut les appeler, effectivement, pour leur demander ça. Donc, c'est parti, on appelle, s'il vous plaît, Céline, Groupama Grand Test à Strasbourg. On va essayer de voir si Madame Bellevue est là. Madame Bellevue. Groupama, bonjour. L'équipe de gestion des sinistres dommages aux biens sera disponible de 13h à 17h30. Je vous remercie de renouveler votre appel. Ben oui, mais... J'appellerai donc... Groupama, bonjour. Oui. Il appellerait cet après-midi. Ben oui, puisqu'apparemment le matin, il n'y a personne. Donc là, on est un peu bloqué, Christophe. Donc nous avons un voisin qui n'est pas là. Et nous avons une assurance qui ne répond que l'après-midi. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire votre cas, Christophe. Ça veut dire qu'on va appeler dès cet après-midi. Mais nous allons essayer d'avoir le voisin non-stop. Si nous l'avons d'ici 11h, je vous ferai une petite alerte. J'aimerais bien une règle d'or, Maître Novakovic, pour tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir un problème similaire. La règle d'or sur RTL. Voilà, la maison du voisin, mal entretenue, peu importe, fait des dégâts chez moi, il ne se passe rien. Que dois-je faire ? Eh bien, je vois que notre auditeur a eu le bon réflexe. Vous contactez tout de suite votre assurance, parce que systématiquement, vous êtes assuré l'assurance habitation, bien sûr. Vous faites une lettre commandée avec accusé de réception. Vous faites des photographies aussi, vous joignez des photographies. Et vous déclarez ce qu'on appelle le sinistre, et vous leur demandez de le prendre en charge. Et à partir de là, s'engage un processus où l'assureur vous demande des documents, etc., complémentaires. Et surtout, contacte le voisin pour trouver une solution et faire un rapport contradictoire. Une alerte, Céline, que se passe-t-il ? Eh bien, nous sommes sur le cas de la toiture. Nous sommes avec Groupama. J'essaie un second numéro. Allô, bonjour Groupama. Allô, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je suis navré de vous déranger. Nous avons besoin d'un renseignement. Nous sommes avec un de vos clients qui a eu un petit souci avec son voisin. Vous êtes venu faire une expertise et il a besoin de savoir où en est un peu le dossier. Est-ce que si l'on vous donne, avec bien sûr votre client, les références Groupama, etc., vous pouvez nous regarder jeter un petit coup d'œil au dossier. Oui, bien sûr. C'est très gentil. Donnez-moi la référence. Céline va vous parler, va vous donner toutes les références. Merci de votre gentillesse, madame. J'apprécie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Vous aussi. Alors, vous avez récupéré. Vous voyez, Christophe, ça peut bouger à n'importe quel moment. Ça avance. On se retrouve dans une seconde. De quoi va-t-on parler ? On va commencer peut-être la liste des retours. On va parler de Régine. Rappelez-vous, on lui réclamait 14 978 euros à cause d'une erreur de la maison de retraite de sa maman. Eh bien, nous allons voir si ça a avancé. Mais d'abord, nous écoutons Eagle Eye Cherry, car je suis sûr que vous aviez envie de les écouter. I wish

Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Bon, ben, je me prends une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Bon, ben, je me prends une petite glace, moi. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de 6 glaces Magnum amandes, la deuxième est à moins 70%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 juin, modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Foot veut dire nourriture. France 2. Mais bonsoir à tous. Pour les 20 bougies du plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien allume la mèche d'une fête canon à Monaco. Nous avons 20 ans. Un anniversaire spectaculaire avec une foule d'invités et de numéros. C'est émouvant pour nous et c'est émouvant pour toi. Les 20 ans du plus grand cabaret du monde, demain soir à 20h55 sur France 2. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Entre 9h30 et 11h, votre émission est la plus écoutée de France. Alors merci d'être avec nous sur RTL. Je vous propose un point info très rapide sur ce qui va se passer et ce qui s'est déjà passé sur l'antenne d'RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré avec Françoise. Françoise est assistante de direction dans une société qui se trouve dans l'Eure et son opérateur l'a domiciliée à Bordeaux, ce qui fait qu'elle ne reçoit pas les factures. Où en est-on s'il vous plaît avec Orange, Hervé Pouchol? Écoutez, c'est un dialogue de sourds. Je vous passe notre amie Françoise et puis l'opérateur qui a du mal à comprendre le problème de ses factures. Françoise, c'est le cas, il n'arrive pas à bien comprendre, monsieur? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'une facture doit être établie à la bonne adresse du client. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la direction maintenant. Remercie. Il est là, ce monsieur? Oui, il est là. Monsieur, bon, écoutez, comme vous n'avez pas l'air de comprendre, peut-être qu'on s'explique mal aussi. Hein. Là, sincèrement, j'ai bien compris. Ah, parce que sinon, oui. J'appelle la direction d'Orange et puis voilà, on va essayer d'avancer. Comme vous souhaitez, mais moi, j'ai tant pris. Alors, vous avez compris, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, en fait, moi, ce que j'ai proposé, là, à la base, on a édité une facture avec une adresse erronée. On est bien d'accord. Oui. C'est pour ça, on a accordé un avoir. Donc, il vaut mieux lettrer l'avoir avec la première facture et travailler avec la nouvelle facture avec la nouvelle adresse. Mais on ne peut pas, c'est pas légal, monsieur. Oui, oui. Monsieur, je comprends très bien votre système D qui, pour elle et vous, ça va très bien se faire. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas l'accepter, c'est le fisc. En cas de contrôle, elle ne peut pas considérer que cette facture est une charge puisque ça n'est pas adressé à sa bonne adresse. Je crois qu'il faut passer par la direction. Mais en même temps, on va expliquer qu'on a accordé un avoir vu qu'il y a une erreur au niveau de la facture. C'est pour ça l'affaire a été annulée. Bon. Mais monsieur, l'avoir que vous avez fait, vous auriez dû le faire sur l'adresse, sur la mauvaise adresse. Or, vous l'avez fait sur une facture qui m'est adressée à mon adresse. Bon, je pense que c'est un peu pointu. Là, je commence à comprendre. Donc, si on édite un avoir avec l'adresse erronée, ça vous convient comme ça. Mais il faut quand même que vous rééditiez une facture à mon adresse, à la bonne adresse. Ça c'est déjà fait. Mais non, monsieur. Non, ça c'est déjà fait, mais le problème... Mais oui, mais je suis d'accord, vous avez édité une nouvelle facture pour le mois d'octobre et une nouvelle facture pour le mois de novembre à la bonne adresse. En même temps, vous avez édité un avoir pour le mois d'octobre à la bonne adresse et un avoir pour le mois de novembre à la bonne adresse. Donc ces quatre documents, mois par mois, s'annulent. Donc là ce que je vous propose, c'est de garder... la facture avec non, la monsieur, bonne adresse. Non, monsieur, comptablement, je ne peux pas garder des éléments qui ne sont pas adressés à la bonne adresse. Oui, mais s'il vous plaît, juste, vous allez garder juste la bonne adresse et la facture avec la mauvaise adresse, en contrepartie, on va rééditer un avoir avec la mauvaise adresse. Voilà. Ça se fait mal, oui, mais ça. À la date oui, vous rééditez les factures d'octobre et de novembre à la bonne adresse. Les avoirs. Non. Mais non, ça sert à rien, monsieur. Non, on va laisser tomber Françoise. Monsieur, c'est un peu technique. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci également. Au revoir. Bon, je comprends Françoise qui, au moment où je suis en train de vous parler, est en train de faire un nœud coulant. Françoise, ne le faites pas. Je vous en supplie. Essayez de tenir le coup parce que... Je garde mon calme, là. Ben même oui, si je suis un peu énervée, mais je peux vous dire que je garde mon calme. Vous savez qu'à un moment donné, les gens arrêtent complètement et se disent, bon, écoute, tu sais quoi on va laisser tomber. Hein. Voilà. On pourra, dans les premiers temps, filer la boîte à tes parents. Le temps de faire le nécessaire. J'ai essayé d'appeler Orange, ils comprennent rien, j'y suis pour rien. On est fichu, on va se pendre. Je vais commencer par te tuer. Et puis pour moi, je vais réfléchir. Bah non, ne tuez pas votre mari. Françoise, on va appeler la direction, on c'est parti avec la direction. Allez, on y va. Donc ça, c'était, vous voyez, c'était un point info au départ, mais il y a eu des rebondissements. Ça, c'est le cas numéro 1, Françoise. Le cas numéro 2, Marie-Agnès. Marie-Agnès est passée par un voyagiste pour s'offrir une randonnée au Liban. Elle a payé 2000 euros, mais le voyage a été annulé très peu de temps avant le départ. Maintenant, elle se bat pour être remboursée. Aucune nouvelle, nous n'arrivons pas pour l'instant à voir Zigzag Randonnée, ou y a-t-il du nouveau? Non, on n'a pas de nouveau concernant l'agence, mais par contre, j'ai trouvé, grâce à JB, l'assurance voyage de ce groupe-là. On pourra le faire si vous voulez tout à l'heure. Allez-y, lancez hors antenne. Dès que vous avez un interlocuteur, vous me le basculez sur l'antenne. Troisième cas. Le cas de Christophe, il appelle pour son père puisque son voisin a une toiture qu'il n'entretient pas. Elle donne sur la cave et donc il pleut dans la cave. C'est une catastrophe. Nous avons essayé d'avoir le voisin, et nous avons essayé d'avoir Groupama Grand Est. Nous réessayons non-stop, toujours rien. Alors si, nous avons réussi à avoir quelqu'un à Groupama. Hors antenne, Christophe et Groupama discutent ensemble pour essayer d'avancer sur le dossier. Bon, allez, on marque une pause et ensuite nous allons passer à l'arnaque en temps réel. Vous êtes sur RTL, la radio qui essaie de vous aider chaque matin. Le clafoutis de cerise a été élu recette du dernier match et l'équipe possède d'autres talents comme la cerise nature qui fait son entrée sur le terrain. Et c'est la saison. Avec les cerises, partageons les plaisirs. Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. À 11h sur RTL. À l'assaut du fort et à la bonne heure. Avec Stéphane Bern. Je suis curieux de savoir qui va m'envoyer la meilleure énigme. Qui est capable de défier le père Fouras? Une seule personne, Olivier Mine, pour la 29e saison de Fort Boyard qui reprend le 23 juin sur France 2. Mais saura-t-il passer les épreuves de ma bande de la bonne heure? Vous verrez tout à l'heure à 11h. À la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. Avec Olivier Mine. Je suis la super remise de chez Castorama et avec mes copines du rayon carrelage, on a une super nouvelle à vous annoncer. Pas vrai les copines? Oui! Ce week-end et ce week-end seulement, Castorama vous offre 15% de remise sur tout le carrelage mural et la mosaïque. Oui, moins 15% sur tout le carrelage mural et la mosaïque. Mais c'est seulement ce week-end, alors foncez au rayon carrelage de votre magasin Castorama. Castorama, ensemble on peut tout faire. Hors commande en cours, remise valable du 15 au 17 juin, voire conditions au magasin, liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8900 euros avec climatisation, radio CD, Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer. Et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8900 euros. C'est ça, 8900 euros. Sous condition de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Venez cueillir les bonnes affaires dans votre géant. Jusqu'au samedi 16 juin, profitez de 25% de réduction en bon d'achat sur toutes les variétés de cerises dans votre géant. Oui, 25% de remise sur toutes les cerises. Et ça, c'est frais. Les prix bas, c'est... Yeah ! Cerise Origine France, catégorie 1, hors Corse. Bon d'achat valable du 18 au 24 juin sur le rayon fruits et légumes. Vous savez que les bons coups, monsieur bricolage, c'est maintenant. Je sais, mais aujourd'hui, je suis un peu tendue. Ça tombe bien. Le Maxi Transat La Fuma avec son repose-tête est à 39,90€. Ah oui, ça c'est un bon coup qui détend d'un coup. Les bons coups, monsieur bricolage, c'est maintenant dans votre magasin. N'attendez pas pour en profiter. Monsieur bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicule disponible avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, dans le 9h30-11h sur RTL, nous allons passer à l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30-11h sur RTL. Et nous partons dans le journal Ouest France, où le magasinier d'un garage d'Ergué-Gabéric, près de Quimper, j'y ai joué là-bas, est parvenu à commander et à revendre 42 000 euros de pneus pour son propre compte à l'insu de son patron. Voilà. Particulièrement organisé, l'employé de 47 ans a réussi en parallèle à détourner 7 500 euros en 17 chèques, mais aussi à percevoir 1 200 euros d'avoirts fictifs. Forcément alerté par des problèmes de comptabilité, le gérant a cru pendant près de 3 ans à des erreurs informatiques. Il aura fallu attendre que le magasinier soit en arrêt maladie pour qu'un autre salarié découvre son implication. Notre homme a été jugé. Écoutez bien, il est écopé de 6 mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve de 2 ans, obligation d'indemniser le garage à hauteur de 54 000 euros. Alors revenons une nouvelle fois, Maître Novakovic, sur cette obligation d'indemniser. S'il ne les a pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà, il est obligé de le faire, car s'il ne le fait pas, eh bien, dans le cadre de cette mise à l'épreuve, eh bien, il sera incarcéré. Donc, si vous voulez, pour lui, la sanction, elle est très lourde. Donc, il est obligé d'indemniser les victimes. Parallèlement, les victimes peuvent saisir ce qu'on appelle la civile, commission d'indemnisation des victimes, ou alors la SARVI. Donc, la victime peut être indemnisée, et ensuite l'État se retourne contre lui. Mais quoi qu'il arrive, l'avantage de cette mise à l'épreuve, c'est justement, c'est l'obligation de rembourser les victimes. Mais s'il commence à rembourser un peu dans les 2 ans, et puis il arrête? Alors, il est obligé de rembourser dans les 2 ans. S'il ne le fait pas, une fois de plus, non, mais à ce moment-là... Honnêtement, parlons concret. Est-ce que vous avez déjà vu un juge? C'est pas, il n'y a pas de malice dans ce que je vous dis. Oui, c'est une j'ai question. Bien compris. Est-ce que vous avez déjà vu en quelqu'un, là, par exemple, il y en a pour 54 000, s'il a remboursé au bout de 2 ans 49 000, lui dire comme il manque 5 000, non. Tu vas aller en prison? Non, s'il manque 5 000 euros, et non. Ouais. Mais par contre, s'il rembourse 2 000 euros sur cette somme-là, croyez-moi, d'accord, les juges se montrent sévères, mais à la condition que le dossier soit suivi, car malheureusement, comme les juges sont débordés, il faut vraiment que les victimes fassent leur travail en relançant le juge, en disant, écoutez, il y a un problème, il n'accomplit pas son exécution, donc faites quelque chose. Allez, dans une seconde, si vous le voulez bien, pour ne pas dire tout de suite, nous allons accueillir Régine. Régine, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Régine, qui était passée le 30 avril, voilà ce que nous avait dit Régine sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle du Val-de-Marne. L'administration fiscale me réclame à tort 14 978 euros. C'est pour l'hébergement de ma mère. Sa maison de retraite a fait des erreurs de facturation. J'ai beau leur expliquer, mais rien n'y fait. Et oui, l'administration lui réclamait 14 978 euros et selon les calculs du conseil départemental, elle ne doit que 5 140 euros. La maison de retraite a pris contact avec le Trésor public pour faire annuler une première facture, mais il y a encore 3 autres factures qui posent problème. Un rendez-vous était prévu entre Régine et le directeur de la maison de retraite. Le Trésor public attendait que ce rendez-vous ait lieu. Régine, où en est-on ? Au même point. En fait, j'ai eu un entretien le 3 mai avec le directeur. Et on devait avoir une réunion téléphonique le 15 mai. Je n'ai pas réussi, il ne m'a pas rappelé. J'ai rappelé, là j'ai eu l'assistante administrative avec qui j'ai pas voulu discuter. Déjà elle s'est fichue de moi parce que on avait un rendez-vous téléphonique à 11h, personne ne m'a appelé, c'est moi qui ai appelé, il était midi moins 20. D'accord. Ensuite je lui ai envoyé un mail au directeur pour lui dire donc que je ne voulais pas avoir comme interlocutrice de cette dame. Et je n'ai pas eu de nouvelles. Bon, alors Céline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le rendez-vous a bien eu lieu, mais les factures qui ont été annulées ne sont pas les bonnes. Donc, il y a encore des erreurs au niveau du Trésor public. La maison de retraite a changé de directeur. Du coup, je vous propose qu'on les rappelle pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. D'abord, le nouveau directeur, on peut le faire maintenant, tout de suite ? Allez, c'est parti, on appelle maintenant... Oui, pardon, Régine ? Vous avez son nom ? Non. C'est une bonne question. Comment s'appelle-t-il ? La résidence Devine, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Pourrais-je avoir le directeur de la maison de retraite, s'il vous plaît ? Alors, il n'est pas dans l'établissement actuellement. Est-ce que vous pourriez lui envoyer, s'il vous plaît, un petit texto, parce qu'on essaie de régler un petit souci ce matin, afin qu'il nous rappelle. Est-ce que c'est possible ? Oui. C'est très sympa, je vous donne un numéro s'il peut nous rappeler. Ce serait formidable. Vous êtes gentille madame, bonne journée. Voilà, donc nous allons... Il s'appelle comment, vous m'avez dit ? Monsieur Castet, ça s'écrit C-A-S-T-E-T. Castet. Il m'a téléphoné le 25 mai. Monsieur. D'accord. Alors, monsieur Castet, de la maison de retraite Les Vignes, qui se trouve à Villeneuve-Saint-Georges, il va falloir maintenant, je compte sur vous, vous venez d'arriver, vous n'étiez pas là pour... c'est pas à cause de vous qu'il y a eu des erreurs, mais vous, vous pouvez les rectifier. À l'hasard. Oui, ce que je comprends pas, Régine, bonjour, vous m'aviez dit hier que c'était plutôt en bonne voie. Oui, mais je ne sais pas, il y a dû avoir un problème vu ce changement de directeur, je pense. Ça n'a pas été réglé. Rien n'a été fait, en fait. Eh ben écoutez, elle s'est trompée quand elle vous a dit ça, elle a le droit de se tromper, faites pas votre bégueule. Peut-être qu'entre-temps... Mais alors, Régine, vous m'avez dit hier, c'était en bonne voie. Alors maintenant, je passe pour un con. Et moi, elle s'est la trompée quand même, note. Si elle veut. Mais enfin, pour qui se prend-il? Vous voyez bien qu'on parle pas à n'importe qui. On parle à Régine. Quand elle arrive, la grande Régine, avec ses factures plein les bras, voir le directeur. Qui ne veut pas raquer la chambre de la nana. Allez, stop, arrêtez. Nous allons, Régine, continuer. Ne vous inquiétez pas, ce monsieur va nous rappeler. Dans une seconde, sur l'antenne d'RTL, c'est Delphine. Oui, Delphine, c'était un peu une blague. Elle avait commandé un canapé avec assises noires et contours en tissu marron. Elle a reçu un canapé avec assises en tissu marron et contours en cuir noir. Ouais, le fabricant, quand il a regardé son œuvre, il a regardé le bon de commande. Il a regardé le canapé qu'il venait de faire. Il a fait... caramba, encore raté. Voilà, bon, allez, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne RTL. Oshi est ta marinière. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble. Cherchons un marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne en air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main.

Ça y est, chef, je crois que j'ai terminé le crêpe. Montre-moi. Mais non, je te dis que c'est le rouge à l'extérieur et le noir à l'intérieur. C'est le cinquième crêpe. Bonjour. Oui, allô? Oui. Riverside? Oui. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Nous vous appelons, nous vous avions déjà appelé concernant Delphine Valérie qui avait commandé un canapé, vous vous aviez inversé. Elle voulait un canapé avec assise en cuir noir et contour en tissu marron et elle a reçu un canapé avec assise en tissu marron et contour en cuir noir. On s'était parlé, vous lui avez dit écoutez, ça devrait avancer. Malheureusement, elle semble nous dire qu'il ne s'est rien passé chez Riverside. Je sais. Ah, que se passe-t-il? Ben, le patron va faire le remboursement, mais il n'a pas encore fait. Ah, il a oublié. Je ne pense pas qu'il ait oublié. Ah. Maintenant, je pense que ça doit se faire assez rapidement, mais... Ben, ça serait sympa, quand même. Ça date de juillet 2017. C'est difficile à vous donner des raisons... Moi, personnellement, c'est difficile à vous donner des raisons oui. à sa place. Est-ce que vous pourriez me passer André Audin? Il n'est pas là. Ah, vous avez une possibilité pour le joindre? Là, il est jamais là, en fait. Ah. Non. D'accord, je commence à comprendre un peu. Il n'est pas là, oui. Vraiment. Il ne s'occupe pas trop du magasin, c'est ça? Bah, vous ne pouvez pas le dire, d'accord, je comprends. Mais enfin, je sens, quand vous me dites qu'il n'est jamais là, je suis un peu inquiet. Est-ce qu'il a un numéro, je crois, M. André Audin? Est-ce qu'on peut essayer de le faire? Bon, dites-lui, parce que c'est quand même pas bien, mais ce n'est pas rassurant pour les clients qui traversent la frontière pour venir chez Riverside, à Namur. Bon, ok. Delphine, cette dame, elle est pleine de bonne volonté, mais c'est que M. André Audin qui peut faire quelque chose. Et Christophe Binon, il fait quoi, lui? Il ne fait plus partie de la société. Ah, voilà. Ok. Allez, on essaie, ça sonne? Oui, c'est bon, ça va sonner. Alors, attention, nous allons avoir... Voilà. Monsieur, peut-être? Monsieur Audin, je ne suis pas disponible pour l'instant. On lui laisse un message. Monsieur Audin a pour habitude de bloquer les numéros de français. Mais vous continuez... Ah, d'accord. Vous continuez à être payé malgré tout, les employés? Oui, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Eh ben, essayez de l'appeler en lui disant la radio RTL... la radio RTL attend désespérément que Riverside à Namur, chaussée de marche, à Namur, rembourse Delphine. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Bon, alors, vous lui dites, hein, vous lui essayez de voir si vous pouvez lui envoyer un texto, on vous rappelle tout à l'heure. Mm-hmm. Merci, cette dame va lui envoyer un texto. On va pas lâcher Delphine, mais je crois que maintenant... Malheureusement, c'est le tribunal belge qui va devoir s'occuper de ça. Et oui, le problème, c'est que ça se passe en Belgique, donc il faut vraiment qu'elle saisisse un avocat belge qui va l'aider, donc à introduire sa procédure, parce que malheureusement, elle n'a pas d'autre choix. Bon, on essaie toujours d'avoir quelqu'un, Delphine, mais voilà, on n'a pas le même impact en Belgique, on va pas se mentir. Hein. D'accord? Oui. On va essayer de la voir. Est-ce qu'il y a une alerte, s'il vous plaît? Oui, une alerte sur le cas de Christophe. La toiture du voisin de son père donne sur sa cave et elle n'est pas entretenue. Résultat, il pleut dans la cave. Il vous écoute. Grosse discussion avec nos amis de Groupama. On essaye de joindre la gestionnaire sinistre qui est très occupée parce qu'il y a quelques événements en ce moment. Ils sont très, très occupés. Mais j'ai au moins eu la garantie d'un rappel de Groupama auprès de Christophe pour régler ce problème de toiture dans la journée. Est-ce que vous avez notre auditeur là, il a entendu. Oui, je suis là. Voilà, normalement, bien. Dans la journée, il y a du nouveau et ça veut dire qu'on s'appelle demain sur l'antenne d'RTL. Merci à toute l'équipe. C'est pas fini en ce qui concerne les suivis de cas. Ça ne s'arrête jamais. Quand un cas n'est pas résolu le jour même, nous continuons. Ça sera dans quelques instants un autre cas qui sera traité. Merci d'avoir choisi RTL et de continuer à choisir RTL. Le 3210 est à votre disposition, quels que soient vos soucis au quotidien. Chez Carrefour Market. Ça y est, j'ai une planche à flambant neuve à la maison. Oh, j'ai hâte de faire des petites grillades. Ah, c'est super, Michel. Et en ce moment, Carrefour Market fête ses clients. Nos bouchers ont quelque chose à vous proposer. Ah oui, mais votre viande est tellement délicieuse. Bah oui, jusqu'à demain, la deuxième cassette de côtes de porc avec os à griller, origine France, est gratuite. Oh, des petites côtes de porc croustillantes et tendres, grillées juste comme il faut, c'est parfait. Mais oui. Et j'ai juste le temps de prévenir mes copains. Carrefour Market. La cassette de 8 pièces minimum, valable sur un moins cher des deux. Magasin participant sur carrefour.fr. Allô, bonjour. Je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 6 490 €. C'est une 5 portes? Oui, 6 490 € avec 5 portes et vitre avant électrique. Et elle bénéficie de la prime à la conversion? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres? Elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 6 490 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin sur Panda 1 litre 2, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat.

fun sur RTL avec Ça c'est vraiment toi. Nous allons maintenant prendre des nouvelles d'Alexandre qui était passé le 11 mai. Écoutons ce que nous avait dit Alexandre sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle du Loir-et-Cher. J'ai acheté des billets d'avion sur le site d'une compagnie. On m'a prélevé 309€ en trop. J'attends depuis mars que l'on me rembourse ce que l'on me doit. Alexandre est en ligne avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Nous attendions de votre part et de la part d'Alitalia un retour suite à l'intervention d'RTL. Nous l'avions appelé en disant on s'est dit il y a vraiment une marge de négociation. Et donc Alexandre, avez-vous du nouveau? Oui, ils m'ont rappelé le lendemain et ils m'ont versé ce qu'ils me devaient une semaine ou 10 jours après. Eh ben voilà. Après être passé sur les millions. Donc bravo Hervé Pouchol, on est Hervé Pouchol. Bravo Bernard Sabat. Enfin, je vous confonds. Oui, tous les c'est gentil de me dire bravo Julien, mais ça c'est fait un que 20 cas, ans. Hein. Oui, mais c'est un cas d'école intéressant. 3 mois quand même pour rembourser un passager sur un prélèvement donc doublé. C'est pas très élégant de la part de la compagnie. Ok, ils ont été rachetés par Air France. Ok, ils ont été rachetés de nouveau maintenant par Etihad. Ce n'est pas une bonne explication. Et rappelez-vous, on avait appelé un service qui dit ah tout est ok, mais ce n'est pas mon service. Bon, en tout cas Alexandre, il a bien fait d'appeler RTL. Je vous souhaite de belles vacances, mon Alexandre. Ben merci. Bonnes vacances à vous. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Oui Bernard. Un petit conseil Julien qu'on pourrait donner à nos auditeurs, c'est important. Si c'est en Italie, c'est la regla d'oro. La règle d'or sur RTL. Alors je vous rappelle Julien que quand on achète un vol sec, l'agence de voyage qui vous le vend, bah, c'est juste donc le contrat qui est donc payé à l'agence de voyage, mais pas, malheureusement, il n'y a pas d'avantage particulier. S'il y a le moindre souci, c'est le passager qui se débrouille avec la compagnie. Peut-être que le vol est sec, mais vous l'avez pris avec des glaçons ce matin, je vais vous dire. Je n'ai pas terminé, Julien. Il est on the rock le vote ce matin, oui. Alors continuez. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on rajoute une petite prestation, une location de voiture, quelques nuits d'hôtel, et ça devient un forfait. Et là, c'est sous la responsabilité totale de l'agence de voyage. Et c'est les garanties APST, tant mieux, parce qu'on est sûr qu'il y a des garanties. Merci Alexandre, bon voyage, à bientôt. Merci, au revoir. Nous allons nous enchaîner, si vous le voulez bien. Mesdames et messieurs, vous êtes sur RTL, la radio qui règle vos problèmes, mais aussi la radio de la Coupe du Monde que vous suivrez sur RTL. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme. Bienvenue chez votre distributeur Skoda, Monsieur Thomas. Et le Skoda Kodiaq, vous allez pas me dire qu'il a aussi la garantie? Monsieur Guyet, la garantie 5 ans est offerte sur tout. À l'occasion des jours Nouveau Départ ce week-end, venez profiter de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Oui, toute la gamme. Offre à particulier jusqu'au 19 juin 2018. Conditions sur skoda.fr. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Philorga, la crème anti-âge concentrée comme une maison injection, efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur philorga.com. Découvrez le monde avec Turkish Airlines. Achetez votre billet entre le 28 mai et le 17 juin, puis voyagez entre le 1er octobre et le 31 mars au départ de France à destination d'Istanbul, dès 159€. Phuket, dès 409€. Bangkok, dès 419€. Jakarta, dès 489€. Et les Maldives, dès 599€. Plus d'informations sur turkishairlines.com. Turkish Airlines, widen your world. L'Antarctique, c'est le livre de Mike Horn. Traverser l'Antarctique, c'était son rêve, la plus impossible des aventures. 5100 km en 57 jours, seul par des températures glaciales. L'Antarctique, de Mike Horn, le plus grand aventurier d'aujourd'hui. Un récit exceptionnel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Mercedes-Benz. Bon, bah je vais y aller. Ça t'a plu? Oui, c'était bien. Ça te dirait qu'on se revoit? Pour un verre? Un dîner? Pour se marier? Hein? Arrête, t'es bête. Non, je suis très sérieux. Pourquoi attendre? L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, l'allocation longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour avec des offres exceptionnelles sur plein de produits. Par exemple, le troisième pack de Coca-Cola est remboursé. Alors j'ai fait le tour du bureau et j'ai demandé avec ou sans glaçon, avec ou sans citron. Résultat des courses, vous avez été élu meilleur collègue de la boîte. C'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive. Avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. Original ou zéro, 10 fois 33 centilitres, valable jusqu'au 16 juin. Le moins cher des trois est remboursé sur votre carte Carrefour. Détails, produits et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Eh bien, encore du bon boulot, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver lundi pour continuer à régler vos cas au 3210. Mais là, évidemment, à partir de maintenant, il n'est plus trop question de cas. Il n'est question que d'une chose, les kangourous, l'Australie, contre qui nous allons jouer samedi. Alors, de la part de toute l'équipe, de la part d'RTL, ils ne nous entendent pas, mais peut-être que quelqu'un leur dira « Allez les Bleus, la France, on est derrière vous ». Il y avait aujourd'hui la grande Maître Fénono numéro 4, numéro 5 et numéro 6. C'est Bernard Sabat, Hervé Pouchol, numéro 7, Alain Hazard, numéro 8, Xavier Kassovitch et toute l'équipe. Allez les Bleus! What's the sense in sharing?